charbonner tout l'hiver. Le cœur blessé, on perd pas temps pour te livrer. J'ai toujours des frères en tôle que je dois délivrer. Tu nous connais, le charbon nous rémunère. Et puis rien ne sert de doux. T'es, t'inquiète, on t'en ramène à l'heure du goût. T'es, appel de fort l'ancien, c'est l'heure de doux. Blé. La chambre d'eau, 230 cousins. Oco Mico, c'est Motus bouche cousue. Et on fait dodo, le calibre sous le coussin. Quand ça passe au vert, il m'a trop l'air gamé, assez souffert. Le terrain est open, ça laisse la porte ouverte. Et puis tu sais qu'on n'a pas tout fait. Y'a des produits d'enfer qui vont faire tout. C'est appel de phare l'ancien, c'est l'heure de tout. Je suis dans une auto, ça me regarde, ça met la gueule. Là c'est le fuego, y'a des condés à la gare. Elle veut mon bigo, je crois que je vais mettre un pied. Copilote.